بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours dans l'explication des règles du mariage tirée de Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din de l'imam al-Sa'di rahimahullah, aujourd'hui le 20e cours. On est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit concernant la dot yanbari tarfifuhu. Et donc il est convenable de diminuer celle-ci. Et donc il est convenable de diminuer la dot, qu'elle ne soit pas chère, qu'elle ne soit pas chère et que ça ne soit pas difficile aux gens. Pourquoi ? Parce que en réalité, lorsque les dots sont chères, cela rend les mariages difficiles. Et cela, le fait que les mariages soient difficiles et que les jeunes ou autres aient du mal à se marier, cela peut être une cause que les péchés se propagent. Et donc il est important de faciliter les mariages. Il est important de faciliter les mariages afin d'éviter la propagation des péchés. L'auteur qui nous dit Wasu ilat Aisha tu kam kana sadaqun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Aisha fut interrogée combien était la dot du messager d'Allah ou les dots du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qalat kana sadaquhu li azwajihi sintay asharata uqiyat wa nashan. Et donc, Aïcha radiallahu anha, elle a dit donc que les dots du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ses épouses étaient de 12 ouqiyya et nesh. Nesh, c'est la moitié. D'ailleurs, après, elle dit à la personne qui l'interroge, et adri men nesh, est-ce que tu sais ce que en nesh? Kultula. Et donc, celui qui est interrogé, il dit non, je ne sais pas. Aïcha radiallahu anha qui répond en disant nusfu ouqiyya, la moitié. Et donc, les dots du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de 12 ouqiyya et la moitié d'un ouqiyya. Tilka khamsumi'ata dirham. Et donc, voilà donc 500 dirhams. Les dots du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de 500 dirhams rapportés par Muslim. Et donc ça c'est concernant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi Ummu Habiba, elle fait exception. Ummu Habiba, elle, sa dot, elle était bien plus élevée que cela. Elle était de 4000 dirhams. C'était pas 500 dirhams comme les autres, mais c'était 4000 dirhams. Pourquoi? Parce que c'est An-Najashi qui a payé la dot de Ummu Habiba. C'est An-Najashi qui l'a payé. Et donc la sunna concernant la dot, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la dot est de la diminuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit comme dans Sunan al-Bayhaqi, il dit khayru sadaq aysaruhu, les meilleures des dots sont celles qui sont les plus faciles. Cependant, attention, barakallahu fikoum, il est important de comprendre qu'il n'est pas voulu ici que la dot n'a pas du tout de valeur. Comme certains peuvent le comprendre, certains peuvent penser que non, la dot n'a pas de valeur, elle est une fleur ou je ne sais pas moi, un objet, un euro symbolique, comme parfois il y en a qui le disent, etc., etc., etc. Et donc non, il est important, puisque quand on regarde les dots du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient quand même une certaine valeur. Elles avaient quand même une certaine valeur. Et donc il est important qu'on prenne cela en compte. Donc oui, on diminue, mais certains savants nous disent, on regarde la capacité de l'époux. On regarde la capacité de l'époux. Si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, on diminue la dot au maximum pour le faciliter. Si c'est le contraire, eh bien, à ce moment-là, on peut demander une dot plus élevée. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, on a parfois certaines personnes qui, dans la dot, vont demander la dot, c'est qu'ils m'enseignent telle et telle chose, ou qu'ils m'apprennent la vie des Sahaba, ou je ne sais pas. En fonction, il y a plusieurs situations comme cela. Barakallahu fikoum. On voit dans le hadith qu'on a vu précédemment, au dernier cours, on a vu le hadith de la femme qui s'est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite un homme qui a demandé la main de cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié cet homme à cette femme par rapport à sa mémorisation qu'il avait du Coran, pour qu'il enseigne le Coran à cette femme. Mais ceci était la dernière étape. D'abord, il lui a demandé d'aller chercher quelque chose. L'homme, il a cherché, je n'ai rien. Va voir, même si tu ne trouves, même si ce n'est que donc une bague en fer, etc. L'homme, il revient, il cherche, non, je n'ai pas. Repart chercher, l'homme, il part et revient, non, wallahi, je n'ai rien trouvé. Et donc, la dernière étape, cet homme n'a pas les moyens de donner quoi que ce soit. Et donc, oui, là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, donc, il l'a marié par rapport à ce qu'il mémorisait du Coran. Aujourd'hui, non, dire que certaines personnes ont beaucoup d'argent ou ont les moyens, on lui dit, oui, toi, ta dot, c'est que tu m'enseignes telle et telle histoire ou tel et tel livre. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme cela. Barakallahu fikoum. Ensuite, l'auteur qui nous dit, وَأَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِدْقَهَا صَدَاقَهَا مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc libéré Safiya. Safiya était une femme d'origine juive. C'était une femme d'origine juive, donc elle était dans une situation d'esclavage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a libérée. Il a payé sa libération, le fait qu'elle ne soit plus esclave. Et ensuite, il a fait que cette libération soit sa dot. Il a fait que cette libération soit sa dot, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ici, il y a une divergence des ulémas. Certains savants, ils voient qu'il n'est pas permis, il n'est pas permis de faire en sorte que la libération d'une femme soit sa dot. La libération, c'est quelque chose, et sa dot, c'est autre chose. Ça, c'est l'avis de la grande majorité. Et l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est que oui, on peut le faire, parce que les textes montrent qu'on peut le faire, tout simplement. Et donc, effectivement, c'est l'avis le plus juste, même si, alhamdoulilah, on est arrivé à une époque où il n'y a plus, ou je dirais presque plus d'esclaves, parce que peut-être qu'il y en a encore ailleurs. Mais en tout cas, comme je l'ai souvent dit, quand on regarde encore dans les textes de l'islam, à chaque fois on voit des textes qui nous appellent à la libération des esclaves. On ne voit pas de textes qui disent « prenez des esclaves, prenez des esclaves, prenez des esclaves ». On ne trouve pas de textes qui disent cela. Mais à chaque fois, les textes, c'est « libérer tel esclave ». Le prophète a libéré tant d'esclaves. Bilal a libéré, Abu Bakr a libéré tant d'esclaves, etc., etc., etc. Et donc, cette religion, la religion musulmane a poussé à la libération des esclaves. Donc, contrairement à l'ambiguïté qu'il y a, que les gens cherchent à propager et à faire croire que l'islam pousse à l'esclavage, eh bien, les gens qui disent cela, je leur dis, montrez-nous les textes de l'islam qui montrent cela. Allez-y, montrez-nous les textes de l'islam qui appellent au fait de prendre des esclaves. Il n'y en a pas. Par contre, il y a des textes qui poussent à libérer des esclaves. Et ce qui s'est passé. Tayyib, on continue, inshallah ta'ala. Donc l'auteur qui nous dit, « وَقَالَ لِرَجُلِينَ إِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à un homme, ça c'est le hadith qu'on a déjà vu la dernière fois, il a dit à un homme, « Cherche ne serait-ce qu'une bague en fer. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc l'auteur, il nous cite cela pour nous montrer que la dot, il faut la diminuer. Il faut la diminuer afin que ça ne soit pas cher. Et on a déjà vu l'explication de cela, donc on revient à la capacité de la personne, à la capacité de l'époux. فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَإِنْ قَلَّ صَحَّ صَدَقًا. Et donc tout ce qui peut être utilisé comme échange, comme moyen d'échange, argent ou bien, tout ce qui peut être vendu ou acheté en fait, ou tout ce qui peut être donné comme rétribution ou comme salaire, eh bien, cela peut être utilisé pour la dot. La dot ne concerne pas que l'argent, en fait. La dot ne concerne pas que l'argent. Là, on a déjà vu la divergence par rapport à ça, mais on n'a pas vu les détails. La majorité des savants, ils voient qu'il est permis qu'un service soit utilisé comme dot. Un service. On avait déjà cité l'exemple, je te donne telle et telle personne en mariage, et la dot, c'est que toi, tu viennes faire le ménage à la maison pendant 10 ans ou pendant 5 ans, etc., etc. Il se peut que la dot soit comme cela. Toyib, ça c'est l'avis de El Jumhur, la majorité des savants. Pourquoi? Parce que concernant Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, il dit que donc l'homme, il a dit à Moussa, qala inni uridu an unkihaka ihda bintayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta 'asharan fa min 'indik. Et donc certes, je veux te donner en mariage une de mes deux épouses. Je veux te donner en mariage une de mes deux filles que voici. Je veux te donner en mariage une de mes deux filles. En échange du fait que tu sois à mon service pendant 8 ans. Et si tu finis 10, alors cela c'est de bon gré. Mais ce que je te demande c'est 8. Et donc ici, Moussa alayhi salam, il a fait les 10. Moussa alayhi salam, il a fait les 10. Et donc il s'est marié avec la fille de cet homme. Et donc les savants utilisent ce verset comme preuve pour dire que la dot peut être donc un service. Et le hadith qu'on a déjà vu précédemment, le prophète qui dit à l'homme, Melektukaha bime ma'aka min al-Qur'an. Je te la donne en épouse pour ce que tu mémorises du Qur'an. Cependant, Abu Hanifa rahimahullah, il voit que cela n'est pas permis. Il voit que cela n'est pas permis. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum. Et donc Allah, il a cité les femmes interdites. Et ensuite, il dit, et en dehors de tout cela, donc en dehors de ce qui a été cité, il vous est permis de vous marier avec donc les femmes que vous voulez, de rechercher le mariage par vos biens, par les biens que vous avez. Et donc ici, Allah n'a pas cité les services, il n'a cité que les biens. Et l'avis le plus juste, c'est l'avis de la majorité en rassemblant les textes. Dans un texte, Allah il a cité les services, dans d'autres textes, il a cité les biens, etc. Et donc il est permis d'utiliser comme dot les biens et les services. Il n'y a pas de mal à cela. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, « فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ » Si il se marie avec elle, si l'homme se marie avec la femme, et qu'il n'a pas cité une dot, il n'a pas cité une dot qu'il va donner à cette femme, alors cette femme-là aura la même valeur de dot qu'ont les femmes autour d'elle. Par exemple, ses proches. On va lui demander concernant ses proches, ses sœurs, les gens qui sont proches d'elle, quelle était votre dot, etc., etc. On va lui donner la même valeur de dot qu'avaient les femmes qui sont donc dans son entourage. Et donc ici, barakallahu fikoum, il y a un sujet d'unanimité concernant ce mariage, c'est-à-dire le fait que ce mariage est permis. L'homme qui se marie avec une femme et qui n'a pas encore déterminé de dot. Il n'a pas déterminé de dot. Il va donner la dot. La dot, elle est obligatoire. Mais ils ont fait le mariage sans déterminer la dot. Est-ce qu'on va dire est-ce qu'on va dire que le mariage est caduque? Non, le mariage, il est valable. Mais par contre, maintenant, c'est soit l'homme, il détermine la dot par la suite, soit donc cette femme, elle a la moitié, elle a l'équivalent de ce que ses semblables ont. Abu Daoud, il cite dans son Sunan, d'après Uqbat ibn Amir, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à un homme, « Etarda an uzawijaka fulana » Est-ce que tu acceptes que je te donne une telle en mariage? Que je te marie avec une telle? « Qala na'am » Il a dit oui. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ Et le prophète il a dit à la femme en question, est-ce que tu accepterais que je te marie avec un tel? Elle a dit oui. فزوج أحدهما صاحبه. Et donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a mariés. فدخل بها الرجل. Et donc l'homme il a eu un rapport avec sa femme. ولم يفرض لها صداقا. Et il n'a déterminé aucune dot pour cette femme. Et il ne lui a rien donné. Il ne lui a pas donné de dot. وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. Et cet homme-là, il faisait partie de ceux qui ont participé à la bataille de Al-Hudaybiyah. Et tous ceux qui ont participé à cette bataille, ils avaient une part à Khaybar, c'est-à-dire une terre. Ils avaient une part sur un terrain, donc à Khaybar. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَفْرِدْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرْ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِئَةِ أَلْفٍ. Et donc l'homme, lorsque la mort est venue à lui, lorsque la mort s'approchait, et donc lorsqu'il sentait la mort venir, alors cet homme, il a dit, certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a marié avec une telle. Et je ne lui ai pas déterminé sa dot. Et je ne lui ai rien donné. Je vous prends à témoin que je lui donne ma part, je lui donne en dot ma part à Khaybar. Alors la femme, elle a pris une part à Khaybar qu'elle a vendue à 100 000. Et donc ici, barakallahu fikoum, les savants, ils nous disent que donc la femme dont on n'a pas déterminé sa dot, c'est, elle est, donc comme on a dit précédemment, la valeur semblable, la valeur des dots de ses semblables, des femmes qui sont comme elle ou dans son entourage. D'accord ? Mais ici, ce compagnon, il a donné beaucoup plus que cela. Donc c'est permis de donner beaucoup plus. Il a donné beaucoup plus que cela. Et en plus de ça, c'est une très grande dot. Ça montre encore aussi que la dot, elle peut atteindre de très grandes sommes. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc très important, barakallahu fikoum, si la dot n'a pas été déterminée le jour du contrat de mariage, le mariage est quand même valable. Ça, c'est un sujet d'unanimité. Barakallahu fikoum, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.